trop de gens savent alors qu'ils ne savent pas qui on est, d'où l'on vient, quels sont nos moyens. Teste pas JB Fiction The Mind. T'as voulu test, t'as voulu clash, t'as pas le flow, t'as que le cash. Donc pour toi Dieu sera la tâche. Cache toi pas, reste là, pose le coup de là, prends le mic, prends le mic. Teste pas, ne nous clash pas, jamais. Vas-y, je représente les anciens, les anciennes, pas de soucis. My name is assume les mots, fais des faces, dis jeux de mots, fais une impro de psycho, un truc de ouf qui relève le niveau. Paris Rio, elle est Tokyo, c'est la nouvelle équipe du Paris. Le reflet c'est fixe, si on est Hall, on présente même les gars de Châtelet, les Halles. T'inquiète, on est Hall, on a le monopole, on se déplace, coup d'épaule. Vas-y, pose, te phase, teste pas, ne nous clash pas. À la one to one, pas de douane, ça ricane, ça se fout de moi, vas-y, casse-toi. Souviens-toi, tes acapella, j'en ai fait quoi. J't'ai fait un montage carré concrétisé. On n'a jamais voulu dans ton MP, dans ton MP. On n'a jamais voulu dans ton MP, dans ton MP. Toujours prêt pour une impro, toujours prêt, balance le flow, toujours prêt, on a niveau, toujours prêt, on a le sang chaud, toujours prêt pour une impro, toujours prêt, balance le flow, toujours prêt, on a niveau, toujours prêt, on a le sang chaud.